Souviens-toi des Noëls de là-bas. Toi ce soir qui est loin comme moi, loin de notre pays, brûlé par le soleil. Je suis triste ce soir, loin de tout. J'ai envie de pleurer, je l'avoue. Pourtant les gens d'ici, heureux, chantent Noël. Que sont-ils devenus ce soir, mes amis d'autrefois? Qui sait, le monde est bien trop grand sans eux. Bien trop grand. Peut-être bien qu'un jour, enfin, nous nous retrouverons, qui sait, pour fêter à nouveau Noël l'an prochain. Souviens-toi des Noëls de là-bas. Il sonnait tant d'amour, tant de joie. Il brûlait dans nos cœurs, ce feu qui s'est éteint. Souviens-toi des Noëls de là-bas, de chez nous. Il sonnait, il chantait, tant d'amour, tant d'espoir. Et de joie, il brûlait comme un feu dans nos cœurs. Souviens-toi de Noël de chez nous, de Noël de là-bas. يوسع هدايا عيد الميلاد. نحنا الليلة مبسوطين، مش رح ننعس سهرانين، رح منزين الشجرة اللي كل عيد. يلا يا بابا نويل ما تتأخر على نويل، يلا خلي سرعة الغزلان تزيد. نحنا الليلة مبسوطين، مش رح ننعس سهرانين، رح منزين الشجرة اللي كل عيد. يلا يا بابا نويل ما تتأخر على نويل، يلا خلي سرعة الغزلان تزيد. أهلا بي بابا نويل يلي واصل عنوان، جاي يسهر بكل بيوت الولاد. واصل عالتلج البردان، داير بكل البلدان، حتى يوزع هدايا عيد الميلاد، حتى يوزع هدايا عيد الميلاد. Well, Joyeux Noël. We heard three songs, Christmas songs. One, the first one by Kali, Il est né le divin enfant, and this was an instrumental. Very well, very nice. The second one was Enrico Macias in Souviens-toi de Noël de là-bas. So a nostalgic song about remember the Christmases we had out there or far away. And then Ronza Nadim Berberi Claudia, Bienvenue Papa Noël, and that was a little bit of a surprise. She is from Lebanon, and the song was French and Lebanese. So it's Bienvenue, welcome, Saint Santa Claus. So We will hear more Christmas songs later, but I just need to finish off or just give you a synopsis of the Christmas story that we presented the last time. Remember, it was about a merchant of and weaver of cloth who was, well, driving around and selling cloth and buying cloth, and his wife was always very concerned about him going through the woods and having some trouble with brigands. Anyway, the story ends with that he actually finds, and the story is called Le Troubadour, and it ends with him meeting a what he thinks is a troubadour, and he poor guy has been chased from the castle of the bad count, and anyway, so he takes him home, and basically they had, the year before, they had refused or didn't really react to the pledge by the Comte de Champagne, who wanted them to have take in a child of parents who had been killed in the woods. I mean, this is dangerous place to be. Anyways, they hadn't done it, and they were really sorry. And then when the so he brought this troubadour back home, and before he knew it, it changed, and they heard the cry of a little baby in the wagon that he had. And here, this was exactly the little baby that they were supposed to have taken in the year before. So now they were happy, and that's the end of the story. Merci, Olaf. Alors, on va continuer avec notre musique. Et maintenant, c'est un grand plaisir d'écouter les prochains. Il y a d'abord Luciano Pavarotti avec Ave Maria. C'est du les trois ténors. C'est de la musique de Franz Schubert. Et Pavarotti l'a chanté en direct. Ça va être suivi par José Carreras, Cantique de Noël. La musique est de Adolphe Adam et les paroles Capot de Roquemort. Oh, il faut vous dire à notre public que ce soir, c'est un Noël international, pas seulement en français. On va écouter des chansons de Noël de un peu partout. Même les Norvégiens, là. Ah, mais oui. Bon, alors, Luciano Pavarotti. Et pour Il lui dit We heard Luciano Pavarotti in Ave Maria by Schubert, and this was sung in Latin. José Carreras, Cantique de Noël, Christmas song, and that was in French. So we will be going on to the next two out of this very interesting selection. Oui, n'est-ce pas, hein? Et le prochain, c'est Plácido Domingo. Il est mexicain-espagnol. Il clame les deux nationalités. Mais il va chanter quelque chose en allemand. J'ai oublié s'il chante en allemand ou non. Ça, c'est, attention à la prononciation, Wegen Wied, hein? Opus 49, numéro 4. Et c'est avec la... Oh là là, Gulpus Kirchner Kinderchor et le Wiener Symphoniker, la symphonie de Vienne. Et c'était enregistré au Rathaus de Vienne en 1992. Ça va être suivi par Plácido Domingo et José Carreras, Adeste Fidelas. Zeige im Traum. Programming is supported by AMPERS and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund. Announcing AMPERS.org, featuring music, arts, and cultural stories, including many produced by this radio station. Information and audio at AMPERS.org. AMPERS, diverse radio for Minnesota's communities. So we heard Placido Domingo and Wiegenlied, which is Well, it's a berceuse, it's a lullaby. And what it is, of course, is the lullaby by Brahms, very well known, and just singing about putting a little baby to sleep. And that's very nice. And the choir that was singing with them was the Gumpoldskirchener Kinderchor and the Wiener Symphonica. So the Listener is calling now. 1 minute, please, as soon as we put on the next music. So, and then the other one was Placido Domingo and Jose Carreras in Adeste Fidelis. And actually, I have to say something, I have to admit something. I'm not a very great TV, watcher. So, at one point, I read a statistics saying that the show that was called The Three Sopranos was the best loved show in all America. And I thought, good grief, this is great. I mean, here they are really Pavarotti, Carreras, and Domingo, the three sopranos. I was totally flabbergasted that this would be the best show. Then I found out, well, these are not the sopranos, it's the tenors. And that the sopranos were actually a crime family. So all my first enthusiasm just kind of collapsed. But so we had the three tenors, and this is a very, very nice Christmas rendition by those three guys who are absolutely fantastic. And the one who still is around and alive is Placido Domingo. He's also I don't know about Carreras. Now Carreras, I think he was ill, and the two others really supported him well during his illness. I mean, that apparently was very touching. Alors maintenant, on va écouter les petits garçons de Vienne, la chorale en allemand, pardon, Wiener Singer Knaben, Vienna Choir Boys, qui chantent, ils sont allemands, bien sûr, ils parlent allemand, ils sont autrichiens. Il est né le divin enfant et il chante en français. La deuxième chanson pour les petits garçons de Vienne, c'est Ihr Kinderlein kommt. Caller, you can call now. Chantons tous en arrière les mots. You were treated to two songs by the Wiener Sängerknaben, the choir boys from Vienna. The first one was in French, Il est né le divin enfant, and we all need, we hear this quite often, both in English, French, and other versions. And but then come one, and we'll hear two more later on, songs that are typical for the Christmas songs for Germany. And the first one is, the one we heard was, Ihr Kinderlein kommet, come all ye little children. And it's one of the stock Christmas songs that every household, everyone knows to sing, and which is sung by, especially by the children who are singing about coming to the creche and watching the Christ child. Oh, there's so many beautiful German ones. Well, from all over the world, too. Encore, on écoute les petits garçons de Vienne, le chorale de Vienne, et Wiener Sängerknaben, au Tannenbaum. Je crois que tout le monde connaît cela. Ça va être suivi par les mêmes, et Stilena, encore extrêmement connu dans toutes les langues. C'était écrit par Franz Gruber, et lui, il vivait entre 1787, il est mort en 1863. Autrichien, et l'histoire est qu'une petite église en Autriche n'avait plus d'orgue. Et pour la nuit de Noël, Gruber a joué sa guitare. Est-ce qu'il était le pasteur de cette... Non, il était, je crois qu'il était instituteur, quelque chose comme ça. Oui. Il a écrit cette chanson pour la nuit de Noël. Stille Nacht. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Oh, Tannenbaum, tuning in to KFAI Community Radio. We know there are many worthwhile organizations deserving of your financial support this time of year and are grateful that you would consider KFAI. Listener support makes the local music, news, and voices from around the world that you hear on KFAI possible. KFAI is an independent radio station. Your support keeps KFAI on the air. It's easy to make your gift online at kfai.org or call us at 612-341-3144. Thank you. Well, you heard O Tannenbaum by, again, the Wiener Sängerknaben, and that's a staple of German Christmas songs. You and then an extra, we gave you an extra in Dulce Jubilo, which was a short Christmas song, and then finally, really, the best known German Christmas song, Stille Nacht, Silent Night. And this was actually, it's not as old as some of the others. It's not a folk song in that sense. It was actually composed and set to music by Franz Gruber in the beginning of the 19th century. And this is, it's absolutely, this is what you hear everywhere in Germany. But the way these celestial voices of the Sängerknaben presented, it's quite remarkable. Merci, Olaf. Alors, maintenant, on va écouter quelque chose en norvégien. Et voilà pour tous les Norvégiens à l'écoute, et c'est peut-être la moitié de Minnesota. C'est Mike et Elsa. Oh, mon Dieu, je ne prononce pas ça. Tu peux le prononcer? Jeg er så glad ved jule kveld. I'm so glad every Christmas Eve. Merci. Et le deuxième de Mike et Elsa? Es Musevisa, the mouse song. Oui, alors, Mike et Elsa sont Mike et Elsa Sivig. Nous remercions Mike et Elsa pour ce disque. Et ils étaient extrêmement gentils de nous prêter le disque. Eux, ils ont un magasin. C'est pas tout à fait magasin, c'est par courrier. They have a mail order business in Bloomington called the Tompton. Oh, Tompton, yeah. Tompton Incorporated. Uh-huh. Toutes sortes de livres, all kinds of books, and Norwegian things, all kinds of things for you. And Tompton actually is the Swedish word for the elf, the little. Oh, I Jule want to Nisse. Hear about the elf in Norwegian. What is it? The Nissen? Nisse. Julenisse, yeah. What are the Nisse? Pardon? What are they? Well, these are just little creatures that are on the farm, and they sometimes play a little joke on you, and sometimes they help you, but basically they get mad if you don't feed them. So the farmers put out a big bowl of rice pudding with a nice little nugget of butter which melts, so it's nice white rice pudding and the yellow from Norwegian Bundesmør, from the Norwegian butter that's made on the farm, and then they in the morning they come out and it's eaten. So they know the Julenisses have been out there, and if you don't do that, I mean then they can be pretty upset, and they'll play pranks on you. But they are not malicious. I mean, they wouldn't. There are some trolls that will make your cattle die, but not. The Nisse are is trolls related to Nisse. No. The trolls are totally different. So, I read today an article about in Iceland that there are hidden folk, they call them, and they're even being called into a court case to forbid a highway going through a certain forested area. Now, whether this is simply because the people who want to keep that beautiful forest, or not a forest, There's no forests in Iceland. But that natural area free of roads and people is one thing, or whether, yes, there really are there may be, hidden yes. people. Exactly. Well, that's... Sort of like the Nissa. This is some, yes. And the Julian, and the Swedish counterpart is there called Tomte. Oh, I see. But they are the same, more or less the same, of the same family, and they do the same kind of things. En tout cas, voici Mike et Elsa. Som en sol och änglar sang så sött. Det lille barn i Betlehem, han bar en konge stor, som kom från himlens höje slott ned till vår arme jord. Sänger vi hans pris, då öppnar han för alla små sitt söte paradis. Då tänder moder alla ljus och ingen krok är mörk. Hon ser stjärnen lyste så i hela världen sörk. Jag håller av vår julekväll och av den Herre Krist och att han älskar mig igen, det vet jag ganska visst. Thank you for tuning in to KFAI Community Radio. We know there are many worthwhile organizations deserving of your financial support this time of year and are grateful that you would consider KFAI. Listener support makes the local music, news, and voices from around the world that you hear on KFAI possible. KFAI is an independent radio station. Your support keeps KFAI on the air. It's easy to make your gift online at kfai.org or call us at 612-341-3144. Thank you. Vous êtes à l'écoute de Fresh Air Radio, Radio Communautaire KFAI 90,3 FM Minneapolis et 106,7 à Saint-Paul, Radio Sans Frontières. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM in St. Paul, Radio Without Boundaries. And this, it is 9, well, it is, what, exactly 9 o'clock, or is it? No, it's about 1 minute to, and it's 1 minute still two, so that's snowing. In Minneapolis, in Paris, it's, in Paris, it's, so 1 minute before, 4 o'clock in the morning. Well, they've had their Christmas Eve celebration. That's already done there. But then we have, here we have minus 13 degrees centigrade. Ooh. In Paris, we have 8 degrees centigrade positive, I mean plus. And they are in for about that kind of temperature, whereas we will have minus 13 now, and boy, on Wednesday it'll be minus 19. Anyway, but that's neither here nor there. It's snowing, it's Christmas. That's what we're here for. Well, there's the Réveillon going on, probably still in some places in France. At four, I would... You think they'd be all done? They'll be done, yes. It's a wonderful party. Yep. They have one on Christmas Eve, and they have one on New Year's Eve Yes. And it usually is fantastic feasting with oysters on the half shell and usually a big... Christmas is stand, usually. Mm-hmm. On Christmas is usually danned, or new Christmas Eve. Oh, Réveillon. I had a leg of lamb. And leg of lambs, yes. Mm. I mean, so. Right now it's exactly 9 p.m. Central Standard Time in Minneapolis, St. Paul. And you're listening to Bonjour, Minnesota. I'm Carol. And I'm Olaf. We wish you a joyeux Noël. Feliz Navidad. Fröhliche Weihnachten. Goyeul og godt nyttår, ja, ha? Ah, yeah, du må gjøre det, de har kommet. God jul? No. God jul is... C'est normal. That's Merry Christmas. Uh-huh. And what I was getting ahead of myself, I mean, God jul, godt nyttår is Happy New Year. So we're not there yet. Oh. Vous avez écouté Mike et Elsa, et on va jouer leur deuxième chanson. C'est l'histoire des souris. Qui fête Noël. Musevisa, ja. Musevisa. D'accord. Når nettene blir lange og kullet setter inn, så sier vesle musemor til unge flokken sin. Hvis ingen går i fella, men passer seg for den, skal alle sammen snart. Julekvelden da skal alle sammen være glad. Ja, musemål er flittig, han taler stykke koll, og spetter tak og peker i sitt lille musehull. Mens barnet feier gulva og danser som en vind, og så på bort til krukken og med hallen sin. Omsider kommer kvelden som alle venter på, og musefar han trekker fram en støvel uten tå. Den pynter de med spindelvev og småspiker og sånn, så putter de en flaskekork i hempapån. Heisann og håsann og fallerallera, om julekvelden da skal alle sammen være glad. Heisann og håsann og fallerallera, om julekvelden da skal alle sammen være glad. Og musefaren sier, nå skal vi danne ring. La støvlen stå i midten, så går vi rundt omkring. Vi gir hverandre halen som vi kan leie i. Og en og to og tre, og så begynner vi. Heisann og håsann og fallerallera, om julekvelden da skal alle sammen være glad. Heisann og håsann og fallerallera, om julekvelden da skal alle sammen være glad. Juleman til deres, det en liten ut. Og så et stykke dresspapir for den som liker søtt. Og musse vår har stillet opp en fleske fitt på skrå. Og den får alle sammen lov å lukte på. Heisann og håsann og fallerallera, om julekvelden da skal alle sammen være glad. Heisann og håsann og fallerallera, om julekvelden da skal alle sammen være glad. Ja, musebestemora er også kommet inn. Nå sitter hun og koser seg i gyngestolen sin. Det ikke ordentlig gyngestol, det noe som alle vet. Hun sitter der og gynger på en stor potet. Heisann og håsann og fallerallera, om julekvelden da skal alle sammen være glad. Heisann og håsann og fallerallera, om julekvelden da skal att allesammen bär är glad. Och bäste mor och Jesper och sier slikt som så. Åh, det är morosamme jula för dessa som är små. Och hvis ingen går i fällan men passar sig för den, ska alla om ett år få feira jul igen. Hälsan och hälsan och faller alla dag, om julefällan då ska alla sammen vara glad. Hälsan och hälsan och faller alla dag. So we heard Mike and Elsa in Jeg er så glad ved julekveld. I'm so glad every Christmas Eve, because that's the eve when Christ was born. And then this is one of the, again, one of the best known Norwegian Christmas songs. Well, and then a little ditty on the Song of the Mice, and how they celebrate Christmas. And it's very, very interesting. I mean, they go through about the little mice. I mean, they like Christmas and what they do. And, well, in the end, the mice grandmother, the father talks, the mother talks. And in the end, the grandmother comes and she sits in a rocking chair. But for her, the rocking chair is a potato. But anyway, so it's very funny, a very funny little ditty. So I'm glad you could hear that one. And that's a song by Mike and Elsa Sivig, who have a business called Tompton Incorporated. And from them, you can buy all kinds of books of Scandinavian background cookbooks, stories for kids, and all kinds of things. Encore une chanson par Mike et Elsa. Et ça s'appelle... Oh là là! Her kommer dines armes små. Merci! Avec un très bon accent norvégien. Qu'est-ce que ça veut dire? Here come your poor little children. Här kommer dine arme små, o Jesus, i din stall och gå, upplys en vär i själ och sin. Finne vägen till dig igen. Vi löper dig med sång emot, och Jesus döve för din fot, och salig stund och söte natt, när du blev född vår själ. Välkommen fra din himmelsal till denne världens tåredal, vår man dig inte annet böd än stall och krybbekor så död. We heard Herr Kommodines Armes Mo by Mike and Elsa, and that means here come your little ones, your poor little ones. And again, a very well-known Norwegian Christmas song. And Carol said, well, she knows Elsa is Norwegian, but she didn't know about Mike. But, I mean, you hear his pronunciation, and then there's no doubt where he comes from. So they're both Norwegian. Aussi, elle m'a dit qu'elle vient près de Flekkefjord, Elsa. Oh, well, that's... C'est votre famille, hein? Yes. Mm-hmm. So we need to find out where that is. Yes, she did. They didn't have a East Östlandsk accent. I mean, the accent is from southern. Oh yes, you can distinguish that very well. Yes. Eh bien, on avait une demande par Sheila pour un flambeau Jeannette Isabelle, et nous avons un flambeau Jeannette Isabelle. Pour vous, Sheila, chanté par Lucie Thérien. This was a song for requested by Sheila. We were glad we had it and could offer it. This is Un Flambeau, Jeannette Isabelle. Come with a torch, Jeannette and Isabelle. And this is by Lucie Thérien. And basically, it's Canadian. I mean, not necessarily total Canadian, but it's a very popular song in Canada. And Lucien Thérien are, they have a whole list of songs that are quite often performed in Canada. Voici une annonce. The brand new KFAI Community Radio app allows you to listen to KFAI, pause and rewind the live audio, and view the program schedule for KFAI all at once. You can explore on-demand content, search for programs, bookmark a program for later, and share stories and programs with family and friends. The KFAI radio app is brought to you by the people at KFAI and Listener Interactive, and is currently available for Android, iPhone, and iPad devices. For more information, visit kfai.org. Maintenant, c'est pour les Espagnols. Et nous avons deux chansons choisies par notre directeur des programming, Miguel Vargas. C'est pour vous, Miguel, si vous êtes à l'écoute. Vous allez écouter, voyons, c'est D'abord, c'est Pedro Lassa avec Navidad Negra, suivi par Gambino Pampini qui chante Cinco Palatos. Sin cesar me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré dejar. Una linda viejecita que me espera en las noches de una eterna Navidad. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. We heard 2 Spanish Christmas songs, and they were quite lively. Navidad Negro by Pedro Lazaz, and Cinco Pa Las Doce by Pampini. And those were actually, these are for Miguel Vargas, who actually engineered last week's show, and this is simply to thank him for his help. And these are 2 that he actually selected. So I hope he is listening, and I hope he enjoyed those 2 songs. Thank you so much, Miguel. I don't know what this is. My Norwegian is better than my Spanish, so the you'll have to either figure out what it was, or but anyway, it was very lively, and I think a little change from some of these.

de guirondes écrits, des enfants ravis. C'est la symphonie de Noël. Au cœur des mamans résonne la joie de leurs petits. De Noël, flocons tout blancs, lustre brillant, rêve de présent, c'est la symphonie de Noël. Bouquet de guirondes écrits. La joie de leur petit. Et lorsque minuit sonne, passe un grand souffle recueilli partout dans l'air. Mille prières montent vers le ciel. C'est la symphonie de Noël. We heard Francine Roche in two Christmas songs. The first one was Petit Papa Noël, and the second one, La Symphonie de Noël. And Francine Roche is a well-known singer here in the Twin Cities area, and she actually is, basically, she comes from Canada, and so you see her often when they have the Canadian festivals and so on. She will perform. She also performs with Mark Stillman at the, what is it again? The Bumblebee? No, it's the The Honey Lounge. I don't know. I don't have the today's. I mean, this month's or next month's. I did speak to Francine, and I think they're due mainly private parties over the holidays, but she's going to send me the schedule of what they're up to. When they're up, and it's very nice. Very nice atmosphere where they sing international songs, but she, of course, mostly French, and this is very, very nice. And actually, these two, I think the Petit Papa Noël was sung, what should I call this? I mean, in a very serene touching fashion. Sometimes you hear people like Tino Rossi, and they make a joke out of it, more or less, out of Petit Papa Noël. But this one is very well done, and La Symphonie de Noël, also something that you don't hear quite often. It's the first time that I hear it, and it's very, very, very, very interesting. And c'est bien. Mm-hmm. Merci. Alors, voici une annonce. Haru harali haraloi haro.

mundo. No conoce ni al patrón. ¿Cómo no sale a la calle y que lo mate un camión? Thank you. And the third one, gold. Yes. All right. We heard, no show, no Bonjour Minnesota without Edith Piaf. Noël de la Rue. And then we heard Charles Aznavour and Le Noël des Mages. Now, Le Noël de la Rue is a very sad song. It sings about, she sings about children who are in the street, who are looking through the windows into the big stores, and they know it, this is not for them. It's for someone else. It's cold in the streets. It's windy, and so it's rather a somewhat sad song describing what these poor little kids have to endure when they spend Christmas night in the streets. So in order to liven things up a little bit, we also put in a Spanish, Los Peces en el Río, which was very lively and very joyful, so just to get you a little bit out of, not so into sad thoughts. Charles Aznavour in Noël des Mages sings about the three magi and how they present their presents to the Christ child. The myrrh, incense, and gold. Merci, Dorev. Alors maintenant, on va écouter Charles Trenet. Et Charles Trenet va vous chanter Chanson pour Noël. Ça va être suivi par Charles Trenet et Johnny Hess, Le Petit Noël. Ils sautent et dansent, les joyeux bergers. Sous le ciel immense, il peut neiger. Vers l'étoile s'avancent les rois étrangers. Ils sautent et dansent, les petits bergers. Les vieux se souviennent des anges musiciens. Ah, vite que reviennent les Noëls anciens. Mais les jeunes s'élancent, ivres de courir, vers la plaine immense dans l'avenir. La cloche a sonné, l'enfant Jésus est né, la vache et le veau lui disent bonjour, bravo. Un coq a chanté, l'enfant Jésus est né, l'oiseau a répété. Depuis longtemps, je l'attendais. Il saute et danse dans la nuit de Noël. Sur les routes de France, les anges du ciel. Et chacun s'enchante de les voir ainsi. Le poète les chante, les enfants aussi. C'est une jolie ronde de joie et d'amour. La ronde du monde dans son plus beau jour. Sous le ciel immense, il est revenu. Noël recommence. Bonjour, petit Jésus. En clignant un œil de travers et cheminant toutes par bandes, les étoiles au ciel d'hiver se racontent bien les légendes et se moquent de l'univers. Je les aperçois de ma chambre où j'ai voulu rester ce soir en pensant que viendrait me voir le Noël de la fin décembre. Le petit Noël d'autrefois n'est pas descendu chez moi, pourquoi? La nuit s'est terminée et soudain j'ai froid, tout seul devant ma cheminée. Je fermais les yeux en rêvant qu'il était là comme avant souvent. Je croyais l'entendre chanter d'une voix tendre, mais ce n'était sur le toit que le vent. Dans les bals, on s'amuse et on rit. C'est Noël sur Paris, Noël sur les faubourgs, Noël sur les grandes routes. Partout ce n'est plus qu'un même cri, un cri que je redoute. Car je comprends bien qu'aujourd'hui, tous ces deux-là sont finis, mais oui. Le petit Noël, le Noël d'autrefois, ne redescendra plus jamais chez moi. En dépit des nouveaux plaisirs, malgré les grandes aventures, notre cœur voudrait refleurir au milieu des choses futures, en trouvant des souvenirs. Il voudrait croire au vieux mystère, à l'éclat d'un monde irréel, à tous les sabots de Noël qui font des heureux sur la terre. Le petit Noël d'autrefois n'est pas descendu chez moi. Pourquoi? La nuit s'est terminée et soudain j'ai froid, tout seul devant ma cheminée. Je fermais les yeux en rêvant qu'il était là comme avant souvent. Je croyais entendre chanter d'une voix tendre, mais ce n'était sur le toit que le vent. Dans les balles, on s'amuse et on rit. C'est Noël sur Paris. Noël sur les faubourgs, Noël sur les grandes routes. Partout ce n'est plus qu'un même cri, un cri que je redoute. Car je comprends bien qu'aujourd'hui, tous ces jeux-là sont finis. Mais oui, le petit Noël, le Noël d'autrefois, ne redescendra plus jamais chez moi. Now, what a contrast with Charles Trenet, contrast to the somewhat staid and not very lively songs by Edith Piaf and Aznavour. The first one, Chanson pour Noël, Song for Christmas. He goes all over France and sings about Noël. And the second one, Le Petit Noël, he remembers Christmas and how it is in Paris, in the suburbs, and everywhere else on the streets. So, this was very lively rendition. And that's a hallmark of Charles Trenet. He doesn't sing sad songs, really. Merci, Olaf. On touche presque à la fin de notre programme. On aura le temps simplement pour Tino Rossi, Petit Papa Noël, pour contraster ce que vous avez entendu de Francine Roche avant. Et encore pour finir, on va écouter Francine Roche avec Ave Maria. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Skoyul. Feliz Navidad. Boom, boom, boom. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux, les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid.

90.3 FM in Minneapolis, and 106.7 FM in St. Paul. Radio without boundaries. A mighty good evening, Christmas Eve, good evening to you. Ray J here on your radio, sitting in on this lovely, snowy, wintry December 24th, Christmas Eve. And at this time, we have Balkan Jamboree. Well, we're going to jam. We're going to keep it Jamboree-ish as I sit in for Nikolai tonight. So keep that dial right where it's at. We're going to play music to keep you moving, keep you grooving, and keep it going. Start this out with Chris Brown. Hang all the mistletoe. I'm gonna get to know you better this Christmas. And as we trim the tree, how much fun it's gonna be together this Christmas. The fireside is blazing bright. Whoa, we're caroling through the night. Whoa, this Christmas will be a very special Christmas for me. My world is filled with cheer and you. This Christmas, and as I look around, your eyes are shining down.